La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de la pourvoirie du Lacoski. Pour une expérience en forêt à 200 km au nord du lac Saint-Jean, la pourvoirie du lac Oski vous offre une pêche réussie. Pour information sur nos différents forfaits, visitez le site internet au lac-oski.com. On va parler de pêche avec notre ami Claude Roy. Salut Claude! Hey, salut! Salut Claude, tu veux nous parler? Aujourd'hui, là, ouais, ben, c'est parce qu'aujourd'hui, il fait tellement chaud. Je sais pas vous autres dans votre région, mais nous autres, il fait vraiment chaud, puis il fait pas soleil. Mais c'est ce qu'on appelle de l'humidité, le facteur humidex. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Si je sors de ça dehors aujourd'hui, j'ai une pesanteur sur les épaules qui s'appelle de l'humidité. Hein, on dit le facteur humidex, c'est-à-dire que c'est pesant, c'est lourd. Okay. Dans l'eau, un poisson réagit exactement pareil. C'est lourd pour lui. Les gens disent, voyons, comment ça peut être lourd pour un poisson dans l'eau? La pression atmosphérique qui est en dehors, on le retrouve dans l'eau. Et le poisson, il est porté à caler dans le fond, puis il veut pas caler dans le fond. Un poisson, c'est fait pour nager entre deux eaux et trouver un équilibre. Puis habituellement, quand la pression atmosphérique est neutre, est pas lourde comme aujourd'hui, le poisson peut nager en toute liberté de la surface et un peu vers le fond, de la surface et un peu vers le fond. Là, il fait comme un sous-marin qui est en période de guerre. Il remplit les ballasts qu'il y a dans le corps, je n'ai déjà parlé, ça s'appelle les vessies natatoires. Mmh. Il remplit ces deux ballasts-là plein d'air, puis après ça, il libère l'air tranquillement pas vite pour être capable de trouver son équilibre dans l'eau pour rester stationnaire dans l'eau, sans faire de mouvement, c'est-à-dire sans battement de queue, sans rien, comme s'il dormait, comme pendant l'hiver. Et là, dans ce cas-là, ben il se nourrit pas. Parce que il courra pas. Tu sais, aujourd'hui, j'irai pas faire un marathon à 250 livres, j'irai pas faire un marathon aujourd'hui, là. Je vais mourir au bout de quelques kilomètres. Ben, le poisson, il est pareil. Il dit, pourquoi j'ai pas envie de me nourrir? Aujourd'hui, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de sortir dehors, on n'a pas envie de rien faire parce que c'est trop chaud. Ben, le poisson, même s'il est dans l'eau, il dit, ça me tente pas de rien faire, ça me tente pas de m'alimenter. Donc, les gens qui vont à la pêche vont trouver ça dur un peu parce que le poisson s'alimentera pas parce que les vessies natatoires sont pleines d'air et qu'il n'y a plus de place pour manger. Donc, surprenez-vous pas si vous avez de la misère à prendre vos truites, votre dorée, la truite grise. Cette semaine, on est allé à la pêche à la truite grise. On a pris de la truite grise à 45 pieds de profond. On en a pris 5. On avait le droit de prendre nos 5 parce qu'on était 4 personnes. Mais on en a gardé une sur les 5. Puis, le poisson, il était dans 40 pieds d'eau, c'est-à-dire qu'au niveau de la grise, il était dans l'eau à 45 degrés. Alors que la truite mouchetée, elle va se tenir présentement dans de l'eau, je te dirais, aux alentours de 52, 54 degrés, à 8, 10 pieds. Mais là, avec la pesanteur comme aujourd'hui, la pesanteur essaye de la caler dans l'eau, et là, la truite veut rester stationnaire, donc elle gonfle ses vessies natatoires, elle a plein d'air dans le corps, elle n'a plus de place à se nourrir, et il va falloir mettre au moins 8 pieds de monofilament derrière notre cuillère pour ralentir le mouvement, sinon, vous ne prendrez pas de poisson, essayez pas, vous n'en prendrez pas. OK. Comment que c'est la pêche, Tony? Ben, c'est bon en général. D'après ce que les gens, nous autres, on est à côté du parc de la réserve faunique de Saint-Raymond-de-Portneuf. OK. Et il y a le ZEC qui est à côté. Puis les résultats de pêche semblent bons, quoique c'est un peu plus difficile. On a eu de l'eau très, très froide. Puis après ça, le vent a tourné et l'eau est devenue chaude rapidement. Donc, d'ici à la fin de l'été, là, ça va rester comme ça. Ça va rester assez difficile. Il va falloir pêcher avec d'autres techniques. Les tout petits verres, pêcher à mouche le soir, début de journée, fin de journée. OK. Donc, c'est quand même pas si pire dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est pas si pire. Je sais pas vous autres au lac Saint-Jean, au niveau de la Wananiche. J'ai pas eu de nouvelles. J'ai pas de contact là-bas pour me dire comment ça a été. OK. Ben, on s'en repart cette semaine, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Oui, absolument, Daniel, on suit la politique tout le temps pour vous autres. On aime bien la politique, on s'en parle en dehors des ondes avant de rentrer en ondes. Mais quand on est en ondes, on parle de pêche. Parfait, mon ami, salut. Notre ami Claude Roy.